toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Je suis ravi de vous retrouver en ce lundi. C'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'accessoire du catch. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions parlé des règles du catch. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ou de plusieurs styles de catch si le temps nous le permet. Ceci sera donc la quatrième partie. Bonne écoute! Le premier style de catch est le style appelé brawling en anglais ou le style bagarre. Un catcheur dont le style de prédilection est le style brawling est un catcheur qui utilise principalement des coups, donc les coups de poing, les coups de pied, les coups de genou, les coups de coude et autres. En d'autres termes, un catcheur pratiquant le style brawling est ce qu'on pourrait appeler une brute. Dans ce style brawling, nous pouvons citer à la WWE, vu que c'est la fédération de catch la plus connue au monde, Aleister Black, Dean Ambrose, à la World Wrestling Entertainment ou plus simplement WWE, se faisant appeler aujourd'hui John Moxley à la All Elite Wrestling ou AEW. Nous pouvons également citer dans ce style Sheamus. Le deuxième style de catch est le style appelé Powerhouse. Comme son nom l'indique, le terme Powerhouse est un terme qualifiant les catcheurs puissants, utilisant principalement des prises telles que des violentes projections au sol ou des coups et des prises paraissant très violentes aux yeux des spectateurs, mais qui sont atténués par l'adversaire recevant ses prises ou ses coups. En réalité, les prises et les coups d'un catcheur ou d'une catcheuse de style powerhouse paraît plus impressionnantes qu'elles ne le sont réellement, bien que le catcheur ou la catcheuse qui le reçoit souffre. Dans ce style powerhouse, nous pouvons citer Kane, The Undertaker, The Big Show, Braun Strowman, que l'on pourrait également ranger dans la catégorie brawling, The Great Khali plus lointain, ou encore plus lointain que The Great Khali, le catcheur français le plus connu, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, André le Géant. Ou alors, parmi les catcheuses de ce style, nous pourrions citer Nia Jax. Le troisième style de catch que nous allons aborder aujourd'hui est le style appelé style technique. Un catcheur utilisant le style technique est un catcheur maîtrisant un large éventail de prises de lutte. Un très grand nombre de catcheurs pratiquant le style technique sont également spécialisés dans les soumissions. Parmi les catcheurs de la World Wrestling Entertainment pratiquant ce style technique, nous pouvons citer Chad Gable, se faisant appeler aujourd'hui Shorty G, Jason Jordan ou encore la légende du catch Kurt Angle. Nous pouvons également ranger Brock Lesnar dans cette catégorie, bien qu'il en mélange plusieurs. Le quatrième style de catch que nous allons aborder aujourd'hui est le style appelé simplement Voltige. Un catcheur pratiquant la voltige, appelé également un voltigeur ou en anglais un high flyer ou dans les fédérations mexicaines principalement un luchador, est un catcheur pratiquant la voltige qui concerne principalement des catcheurs poids moyens utilisant beaucoup d'acrobaties ou de prises nécessitant un certain élan dans les airs. Personnellement, c'est le style que je préfère et parmi les catcheurs pratiquant la voltige, nous pouvons citer la légende Rey Mysterio, Sin Cara, catchant actuellement à la Asistencia, Asesoría y Administración, ou tout simplement AAA ou AAA, sous le nom de Cinta de Oro, voulant dire ruban d'or. Donc cette fédération, vous l'aurez compris, est une fédération mexicaine. On peut également citer le catcheur sud-africain Angelico, Adam Riddle de son vrai nom, ou encore Mustafa Ali. Si vous voulez voir davantage de catcheurs voltigeurs, je vous invite à regarder les shows de la WWE intitulés 205 Live ou 205 Live, NXT UK ou NXT UK, ou alors à regarder les fédérations espagnoles et mexicaines, dans laquelle la majorité des luchadores, comme on les appelle, pratiquent la haute voltige, parfois au péril de leur vie. Comme fédération espagnole et mexicaine, je peux vous inviter à regarder la Consejo Mundial de Lucha Libre, ou CMLL, ou comme je l'ai dit plus tôt, la AAA. Le cinquième style de catch dont nous allons parler aujourd'hui est le style hardcore. Un catcheur pratiquant le style hardcore est, comme son nom l'indique, un spécialiste des matchs hardcore. Les matchs hardcore sont des matchs extrêmement violents, surtout dans la structure appelée CZW. Les matchs hardcore, surtout dans cette structure, opposent des catcheurs qui peuvent utiliser n'importe quel objet légalement, que ce soit des néons de verre, des battes barbelées, des agrafeuses, des ciseaux, des punaises, des visseuses, etc. Un des styles de match le plus apte à s'appeler hardcore est le deathmatch. Comprenez ici, match à mort, bien que le but ne soit pas, comme vous vous en doutez certainement, de mettre fin à la vie d'un des catcheurs. Le style hardcore s'accorde souvent avec le style brawling. Un catcheur hardcore est donc un catcheur spécialiste des armes, des matchs hardcore et donc de tout ce qui est interdit dans un match dit régulier entre guillemets. Le catch hardcore est une forme extrême de catch. Il se définit par l'absence de disqualification, l'utilisation d'objets, d'interventions extérieures et de bon nombre de gestes interdits en stipulation dite normale. Bien que Comme dans le catch classique, le vainqueur ainsi que les moments importants du combat soient déterminés à l'avance, il s'agit de la forme la plus violente et la plus dangereuse du catch. Et il n'est pas rare que les catcheurs se blessent gravement. Évidemment, comme vous vous doutez certainement, qui dit match hardcore dit énormément sanglant. Et pour en avoir déjà vu, je peux vous confirmer que ces matchs sont extrêmement sanglants. Des fois, vous voyez, bon, j'espère que vous n'écoutez pas ça en mangeant, mais vous voyez des morceaux de chair pendouillés des corps des catcheurs, ou des catcheurs qui ont le sang qui dégouline de la tête ou de n'importe quelle partie du corps. Donc je peux vous dire que si vous voulez regarder ça, je vous dirais, âme sensible, s'abstenir. Dans ce style de match, les armes les plus fréquemment utilisées sont les chaises pliantes, les kendo sticks, les tables, les échelles, les poubelles, les masses, les battes de baseball, le fil de fer barbelé, les punaises, les tubes fluorescents qui sont plutôt en réalité une lampe électrique détournée de son utilisation initiale, les vitres, le feu ainsi que le kenzan. Le kenzan étant un petit outil utilisé pour la composition florale au Japon. Ce petit outil est souvent utilisé à la Big Japan Pro Wrestling et a la particularité de pénétrer et de s'accrocher à la chair. Comme quoi, c'est très appétissant. Parmi les spécialistes de ce style de catch, nous pouvons citer la légende Mick Foley ou Cactus Jack ou Jude Love. C'est la même personne, mais avec trois noms différents ainsi que trois gimmicks différents. Un gimmick étant, dans le monde du catch, plus simplement le personnage qu'interprète le catcheur ou la catcheuse sur le ring lors des shows. Nous pouvons citer également Tommy Dreamer, Jimmy Havoc, John Sandig, Nick Cage ou encore Sonjay Dutt pour les hommes et pour les femmes. Nous pouvons citer principalement la catcheuse Lou Fisto. Donc si vous voulez voir des matchs hardcore bien sanglants ou que les objets sont vraiment réellement utilisés et les punaises par exemple vraiment plantées dans le corps des catcheurs ou des catcheuses, vous pouvez trouver tout un tas de matchs de la CZW sur internet. Comme vous vous doutez sûrement également, à cause de la violence des matchs hardcore, un certain nombre de pratiquants de ce style sont décédés assez jeunes, avant même leurs 50 ans pour la plupart. De plus, si vous regardez attentivement les corps des anciennes catcheuses et des anciens catcheurs de la CZW, vous risquez de voir de nombreuses cicatrices. D'ailleurs, même dans une des plus grandes fédérations de catch au monde, la WWE, un arbitre était, auparavant, catcheur à la CZW. Pour ceux qui connaissent un peu la WWE et les arbitres, le corps arbitral, il s'appelle Drake Younger. Enfin, comme toujours, je terminerai cette chronique par un petit message de prévention. On ne le dira jamais assez, mais n'essayez jamais de reproduire ce que vous voyez à la télé, ou même en vrai, chez vous, dans votre jardin, à l'école ou n'importe où. Et oui, je précise dans votre jardin, car il y a des personnes, on va dire, inconscientes, qui pratiquent le backyard wrestling. Si vous voulez, le backyard wrestling, c'est des jeunes ou des moins jeunes, totalement inexpérimentés, qui aménagent un ring de catch, donc sans les bonnes protections et tout, et qui aménagent tout ce qui fait un vrai match de catch dans leur jardin. Cependant, le truc qu'ils n'avaient pas vraiment calculé, c'est qu'ils ne savent pas amortir les coups, ni les chutes, et donc il y a beaucoup de blessures. Et donc, ne pratiquez jamais cela chez vous ou à l'école ou n'importe où, et encore moins pour le style hardcore, car si bon nombre de catcheurs sont décédés, voire gravement blessés, à cause de ce style ou de n'importe quel autre style de catch ou de combat d'ailleurs, imaginez-vous, ou vos enfants, qui n'avaient et qui n'ont aucun entraînement. Quel sera le résultat qui risque d'arriver à 98%? Voulez-vous vraiment prendre ce risque? Donc ne reproduisez jamais ce que vous voyez, sinon il y a de grandes chances que l'issue soit extrêmement grave. Je ne veux pas paraître moralisateur, mais je dis cela pour votre bien-être, votre bonne santé, ainsi que celle de vos enfants. Car une fois que le mal sera fait, il sera fait et ce sera trop tard. C'est donc ainsi que se termine cette quatrième partie sur la crise du catch. Dans la prochaine partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous prendrons un petit cours de définition de termes dans le monde du catch, comme ça vous serez incollable. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gamozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore en venant nous rendre visite à la radio. Située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Notre porte est toujours ouverte afin d'échanger avec vous. Nous serions donc bien sûr ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.